Hey, négro. Tu m'entends ou pas? T'es dans ta putain de watibule ou quoi? C'est bien toi que je cause, négro. J'entends que des rumeurs sur vous. C'est quoi cette putain d'histoire, Tiako? Il y avait 7 putains de négros qui venaient de signer chez Watibé. Et maintenant, il en reste que 3. C'est quoi ce merdier? Je piche que dalle à vos histoires. Tu vas m'expliquer tout ça, bordel? On avait signé à 7 monosin. Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que t'en as parlé de ça? Dans nos contrats, y'a vos grosses initiales. Je veux pas tout raconter car cette histoire est sale. Je vais faire un débrief et qu'en balle, on a pas fait les traites, on a ni fait du mal. On passe pour les méchants et je trouve pas ça normal. Tu vois, tu veux, on avait tout signé, nous 7. Réfléchis, c'est pourquoi il nous reste que nous 3. Maintenant, je veux demander à retourner sa tête. D'en arriver là, nous-mêmes, on n'en voulait pas. Le succès motocrate, j'ai toujours été droit. On est toujours les mêmes. Ouais. On n'a pas signé de pacte. A Zélé, y'a pas de thème. Oh, c'est capuché pour les nanaïs. Oh, bouge la tête et sur le thème. Oh, c'est la trix, moi, tcha, on la met. No, casse ta puce si t'es sur eux. Tout, je veux pas aller loin si j'étais. Tout, on sait que c'est nous que tu veux. Tout, eux sont même au moins. Tout. Ah, je comprends mieux, négro. Toutes ces histoires, c'est vraiment triste quand même. J'ai du mal à comprendre comment un putain de ramassis de conneries vous en est fait arriver là. Et toi, t'as un mot à dire, Jeffrey? Je suis posé dans ma bulle comme un somnambule. Les confrères, les poussistes qui vous enculent. J'ai pas de cul, mais j'ai fait des tunes. T'as rien fait pour le check, t'as sauvé ton cul. Devant ma gueule, tu veux jouer les durs. Quand t'étais dans le boîte, t'avais des lacunes. Je suis toujours au bord et je peux pas quitter. Gros, on était 7 et j'ai Watibé. Je suis fatigué et je suis dégoûté. T'as rien d'une sécu, ça t'a marché dessus. J'étais là pour toi, mais pas ton jumeau. Quand tout dans mon dos, là je fais mes abdos. T'es un rigolo, je suis pas de la ligne. Mais t'étais banni, j'ai une grande famille. Pas de trafiquant, là je suis pas content. C'est une perte de temps, rafale dans tes dents. Jeffy, c'est pour ça que je t'ai toujours kiffé, enfoiré. Je commence à piger tout ce qui s'est tramé dans votre putain de dos. Il y a trop de négros qui jactent sans savoir. Je pense qu'il y a encore un mec qui peut nous aider à mettre au clair toute cette putain d'histoire. Dis-leur, Benny. Le Mali, j'ai rien qui débat pas. Si tu parles pas monnaie, qu'est-ce que tu racontes, tu es au quartier, hein? Vous pouvez revenir au passé, je serais revenu à l'époque du carré. Si t'en parles, dis la vérité. Si t'en parles, dis la vérité. J'suis dans le bec, non j'ai pas percé. Non j'suis pas parti. C'était un grand mot averti. Comme l'avait prédit, au fontaine. Tu cries, pourquoi tu cries? Attends, j't'envoie les types. Comme un duel, pas de nous comme c'est. On les avait trahis. C'est pas la cité qui font les bonhommes, mais c'est les bonhommes qui font la thèse. La rue c'est pas ta mère, la rue c'est pas ton père. T'as attiré que des problèmes, que des faux frères, que des faux frères. Dans le brouillard, où suis tu père? J'en roule un autre, j'en roule un autre. Tout ça pour apaiser ma haine. Ok les gars, c'est fini tout ça, faut passer à autre chose maintenant. Ça sert à rien de répondre à toutes ces merdes. Ce qu'on veut nous, c'est que vous nous envoyez de la putain de patate dans nos oreilles. Faites-nous péter tout ça, bordel de merde. Fini toutes ces histoires. Maintenant, faut laisser parler la musique. Alors rendez-vous le 16 mars pendant Foiré Négro.